Ok, Donny Donzo. DJ FOST, ambiance festive, ce son j'ai F-E-S-E-S-E F-I-S-E-S-A, tu veux me suivre, vas-y, S-E-S-E. Ouais. Avec moi, à toutes tes donnes, je te mets ta bille. Tu pourras pas dire que je t'ai pris en traite comme un round de pointe à pile. Tu rentres direct en différé sur ton poste ou ton ordi. Tu veux pécho du Donzo, va le demander à ton lordi. Va la dire, le pleura. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Avec lui, j'ai un rapport affectif comme avec Mehdi. Trop typique, caractère typé, R-I-T-A-L. Mélodie, j'ai ce qu'il faut pour la M-R-I-T-A-L. Méridional, mec du sud, avec voir qui porte. Chez moi, ça parle fort. Drague avec les potes avant qu'ils partent. Avant qu'on ait tous une puce incrustée dans le fion. Je veux fumer sur un bout de shit qui soit épais comme un fjord. Avant de m'absenter. Pour l'éternité j'paiera. Les ex mais RMC sont tous devenus péraves. Allez arrête ton char, patrie reproche, j'en ai fait le tour. Alors j'bouge de là, j'trace. Cours, dans son cours. À 10 ans derrière une vol, cours dans son cours. Mais surtout t'arrêtes de voir. Cours dans son cours. À 13 ans en retard en cours. Cours dans son cours. Puis toujours cours dans son cours. À 17 ans derrière cette cour. Cours dans son cours. Derrière toi y'a tout qui est gore. C'est j'pige, j'ai renfort. Vas-y cours dans son cours. Cours dans son cours. Puis toujours à la bourre. J'arrive à peine et déjà les vitres explosent. Comme ça y'est du Béville, j'ai foutu la merde dans une expo. Les ex-potes parlent trop et leur ragots s'exportent. Sexe, rap et drogue, ils aiment colporter mes exploits. Ah, j'explore tous les petits recoins de l'existence. Obsédé textuel, cette mélodie je la trouve excitante. Sans tambour ni trompette, sans insulte ni courbette. C'est tout bête, j'suis le babou qui tue le mac qui fume des gros pets. C'est technique, cash, sans effet pyrotechnique. Mais en vrai sexy, putain c'est clair dans nos tombes techniques. Speed sur le beat, comme un type qui a les clashs au cul. Les stars c'est comme le dar, ça passera pas par mon matricule. J'vais le plier ce beat. Le découper, le péter en 8. Et puis en écoutant ce son à fond, je prendrai une méchante cuite. Cui, je m'envole avec mon bonnet d'âme. Grosse dalle au microphone, Donzo c'est Calidad. Cours, Donzo cours, à 10 ans derrière une balle. Cours, Donzo cours, mais surtout t'arrêtes de voir. Cours, Donzo cours, à 13 ans en retard en cours. Cours, Donzo cours, puis toujours. Cours, Donzo cours, à 17 ans derrière cette cour. Cours, Donzo cours, derrière toi y'a tout qui est gore. C'est j'pige, j'ai renfort, vas-y cours, Donzo cours. Cours, Donzo cours, puis toujours à la bourre. J'ai tellement de texte, les voisins vont péter un câble. Je répète trop, heureux comme un type qui se fait péter un câble. Je suis venu tirer des câbles sur ce son, ça c'est sûr. Mais j'assure aussi si le propos vient à s'épaissir. Donzo, déstabilise avec mon stabilo. Estampillé dangereux, vicieux comme un starfilo. Je fais des fils comme l'Afghan, tiens une taf sur mon son. Ils disent qu'en écrivant ça, j't'ai forcément foncé ou sous. Je fais du peur à ça me tourner la tête comme une toupie. Verbal looping, à la fin ça tombe toujours toupie. Je deviens stupide sous alcool, fais tout péter si j'ai le code. Que tu me saoules, pas d'accord, déconne pas, puis j'ai le code. 1, 2, 1, 2. Petit test microphone, comme dans la faune d'une fouf. Au max, je me transforme en pof, t'as tout faux mon pof. Si au micro tu joues les fous, on s'en fout de tout ça. Ce qu'il faut c'est faire lever les fous. Cours, dans son cours, à 10 ans derrière une balle. Cours, dans son cours, mais surtout t'arrêtes de voir. Cours, dans son cours, à 13 ans en retard en cours. Cours, dans son cours, puis toujours. Cours, dans son cours, à 17 ans derrière cette cour. Cours, dans son cours, derrière toi y'a tout qui est gore. C'est j'pige, j'ai renfort, vas-y cours, dans son cours. Cours, dans son cours, puis toujours à la bourre. Défenseur des causes perdues, fonceur dans la vie. J'suis l'homme qui faufile comme une ombre dans la ville. J'enchaîne les kicks au micro, les coups de karatéka. Appelle ce qu'on raté ça, avoue que tu kiffes comme un TK. Le temps c'est cool, au max j'mets des coups de coude. On me dit c'est cool, quand j'fais une petite démo de flow coupe. Cours, moi et mélodie dans un long corps à corps. Les mecs réclament des classiques, des gros sons bien hardcore. Parqué dans le rap, en cale-sèche avec les rats. Hip hop jusqu'au dernier souffle, rap jusqu'au dernier râle. J'suis râleur, braillard, railleur, faya. Descends le rap en kayak, j'vous veux que j'me kaya. Taille de l'instru. Ça taille à 14, par principe, c'est pas compliqué. Soit tu mets autant, soit t'apprécies. Mais casse pas les bonbons, fais des bonbons le bonbon. Hop hop hop, leur professionnel d'instru. Pop hop, cours dans son cours. À 10 ans derrière une balle. Cours dans son cours, mais surtout t'arrêtes de voir. Cours dans son cours, à 13 ans en retard en cours. Cours dans son cours, puis toujours. Cours dans son cours, à 17 ans derrière cette cour. Cours dans son cours, derrière toi y'a tout qui est gore. C'est le pige, j'ai renfort, vas-y cours dans son cours. Cours dans son cours, puis toujours à l'amour. Cours dans son cours, DJ Faust. Ouais. C'est à l'ancienne. À l'ancienne. Studio Rimshot. Aïe. Cours dans son cours.